Le renouvellement du mandat de M. Macron en avril dernier est dû à l'utilisation d'un logiciel fraudeur qui s'appelle Dominion, voilà, accompagné d'une tricherie grossière insultant l'intelligence des électeurs. Et honnêtement, il faut le dire, l'insurrection du peuple français gronde. C'est la raison pour laquelle je suis disposé à assurer la direction du pays le temps de rétablir l'état de droit, traduire les responsables en justice. Et quand je dis responsable, c'est tous les responsables. Eh bien, Monsieur Petit-Demange, pour vous relancer justement sur la question, êtes-vous en train de dire que l'élection présidentielle en France a été truquée? Oui, et nous en avons la preuve. La preuve avec une capture d'écran qui a été réalisée 5 minutes avant la fin du scrutin, avant la clôture du scrutin, où je pourrais même avoir les chiffres. Comme ça, on va parler de chiffres qui sont très précis. Afrique Média, le monde, c'est nous.